Beaucoup de mots qui en français finissent en « ion » sont semblables en espagnol. Comme « opinion » qui se dit « opinion ». Et beaucoup de mots qui finissent en « t-i-o-n » en français, comme « condition », « position », « solution », etc., finissent en « c-i-o-n » en espagnol. Alors, « condition » en espagnol se prononce conditionne. On doit bien entendre le N de la première syllabe, hein, con, dont ce n'est pas condition, mais condition. Condition. Condition. Hein, condition. Et position, ça sera position. Il faut prononcer possi. Et non posi, car le S espagnol se prononce toujours S. Mm-hmm. Hein, le son Z, d'ailleurs, n'existe pas en espagnol. D'accord. Donc, on ne dit pas position, hein, mais position. Donc, la plupart des mots en ion et sion sont semblables en français et en espagnol, à quelques exceptions près. Par exemple, réservation est une exception. Ça se dit « reserva » en espagnol. Ouais. Alors, la réservation, c'est la reserva. Reserva. Ah. Hein, le V espagnol se prononce comme un B. La reserva. Reserva. Bien. Et une réservation se dit una reserva. Una reserva, oui. Et comment direz-vous « j'ai une réservation pour ce soir » Tengo. Tengo, oui. Une réservation. Una reservas. Ah non, reserva. Reserva, c'est ça, pour ce soir. Para esta noche. D'accord. Donc, j'ai une réservation. Tengo una reserva. Pour ce soir, para esta noche. Tengo una reserva para esta noche.